Ma mène. C'est nous les princes de la ville. Respectez-nous. Vrai gamos, vrai go, vrai stuff. Ma mène débouche le sky, on va se balader dans le quartier. J'suis autant respecté qu'une bonne meuf dans ma cité. J'connais moins bien mes parents, j'habite chez mon épicier. Non, non, t'es pas foncé, y'a bien 10 beurrettes au mètre carré. Des samoussa au salami, bibi mourir c'est ça la vie. J'connais pas mes limites, j'en place une pour Michael Scofield. J'bouffe des chattes, mais j'ai toujours la fonce dalle. L'avenir appartient à tous mes straps qui font du sale. Chez la juge, je détaille la cam sur son bureau. Elle dit que je suis un gangster et que je finirai derrière les barreaux. Je dois la voir tous les jours, mais bon ça va, elle paye l'apéro. Des fois elle me laisse même le droit d'inviter tous mes négros. Comme une double P, j'arrive par devant et par derrière. Ça roule des gros chevaux alors qu'il y a même pas le mi-père. Un annuaire de 06 que je fais croquer à mes frères séminaires. Avec l'équipe Voldemort, Vador et Hitler. Ouais, fais pas le mec si tu driftes pas en bagnole. Ouais, fais pas le mec si tu tapes pas comme un bonhomme. Ouais, fais pas le mec si tu mets du soda avec l'alcool. Ouais, fais pas le mec si t'as une tête de gogol. Ouais, fais pas le mec si tu driftes pas en bagnole. Ouais, fais pas le mec si tu tapes pas comme un bonhomme. Ouais, fais pas le mec si tu mets du soda avec l'alcool. Ouais, fais pas le mec si t'as une tête de Google, ouais, ma mère, tu dois du fric, crois pas que je vais passer à côté. J'tiens une bonne trique, j'sais pas si tu pourras remarcher. J'suis dans la vente express, genre deux fois plus riche du trône. Cherche des Yankees sur Yahoo si t'en as marre des chromes. J'faisais déjà du sale dans les couilles du paternel. Enfant désespéré, j'pousse à la salle puis la maternelle. L'odeur de mon shit fait tourner la tête de Felindra. Fort et puissant comme John Cena. En manif, j'déploie la C4 sur le CRS. J'fais des strikes, les yeux bridés à emballer. L'impression de travailler chez Nike. J'envoie du pilon en zonzon pour faire patienter le poteau Mike. Retiens ces paroles si t'attendais un putain d'oracle. J'suis comme un orphelin qu'habite à côté de chez ses parents. Ma vie, un court métrage où j'joue le rôle du grand méchant. Ramène ta pute au bendo, j'le fais maison son avortement. Les hommes sont tous mauvais, c'est juste que moi je l'assume pleinement. Ouais, fais pas le mec si tu driftes pas en bagnole. Ouais, fais pas le mec si tu tapes pas comme un bonhomme. Ouais, fais pas le mec si tu mets du soda avec l'alcool. Ouais, fais pas le mec si t'as une tête de gogol. Ouais, fais pas le mec si tu driftes pas en bagnole. Ouais, fais pas le mec si tu tapes pas comme un bonhomme. Ouais, fais pas le mec si tu mets du soda avec l'alcool. Ouais, fais pas le mec si t'as une tête de gogol. Ouais, fais pas le mec. Ouais, fais pas le mec, fais pas le mec. Joue pas avec moi, fais pas le mec. Encore du sale. L-O-R-E-N-Z-O, Lorenzo.